c'est une réflexion sur certains concepts, comment on arrive à traduire, à rendre correctement la pensée de François Julien en chinois. Et d'ailleurs, ça me paraît très très difficile. Et je ne pense pas que ce serait facile pour un chinois de comprendre François Julien. Ça, il faut avouer. Et d'ailleurs, François Julien lui-même, qui a insisté sur une tendance à la traduction, alors moi, je le compare en quelque sorte à la théorie de Piaget. Vous connaissez tous, pour Piaget, vous avez l'assimilation et l'accommodation. Alors, j'ai bien l'impression que François Julien est pour plutôt l'accommodation dans la traduction. Si on passe en revue un peu ce qui se passe dans l'histoire de la traduction, il y a deux exemples très intéressants. L'un, c'est de Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat Social, qui a été traduit en chinois, alors qui a passé plus de 100 ans en réalité pour trouver une version correcte. Au début, la première version qui a été traduite par un japonais, de français en chinois, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et celui-là, c'est très intéressant, si vous allez relire le texte qu'il a traduit, alors c'est un texte qui est intégré totalement, qui est assimilé totalement par le confucianisme, dans lequel vous avez plein de termes confucianisme, et tous les termes utilisés et interprétés par Jean-Jacques Rousseau sont en quelque sorte, deviennent un terme confucien. Et c'est seulement dans le cadre d'une pensée confucienne qu'on arrive à comprendre Jean-Jacques Rousseau, qui n'est bien sûr plus Jean-Jacques Rousseau. Alors, un autre exemple encore plus intéressant, c'est chez vous, c'est-à-dire c'est de la version anglaise jusqu'à la version française, à propos de Shakespeare. Vous avez, dans votre histoire de traduction, vous avez attendu à peu près 150 ans pour comprendre correctement Shakespeare. Au début, on a choisi justement toujours les pièces de Shakespeare telles que, surtout des pièces qui portent un contenu de la mythologie grecque, parce que dans votre tragédie, c'est surtout ça comme contenu. Alors, on introduit d'abord des pièces de Shakespeare dans ce genre de choses, et puis les pièces, les tragédies les plus connues de Shakespeare ont été ignorées presque pendant 50 ans en France. On voit bien qu'il y a vraiment, pour comprendre quelque chose de nouveau, alors d'un seul coup, une seule traduction, ça ne suffit pas. Et maintenant, si on porte la réflexion de nouveau sur ce que les deux concepts de Jean Piaget, l'assimilation et l'accommodation, on comprend bien qu'en réalité, au début, l'assimilation est nécessaire. Sinon, on ne comprendra rien. Mais là, vous avez déjà, comme on dit toujours à propos de la traduction, on dit la traduction, c'est la trahison. Bien sûr, il y a une trahison terrible. Alors, bien sûr, il y a une autre façon de resituer ces deux concepts de Jean Piaget, c'est-à-dire pour quel terme, pour quel contenu, ou bien quelle argumentation on doit plutôt choisir l'assimilation et pour quel concept on doit plutôt retravailler pour créer une situation qui permet vraiment la réalisation de la recommandation de Piaget, bien sûr. Comme ça, je reviens au texte maintenant et je m'excuse parce qu'en réalité, je choisis un morceau de texte de François Julien et un morceau de traduction en chinois. Alors, je ne sais pas si vous comprenez tous ici le chinois, j'essaie de m'expliquer quand même un peu. La première, c'était là une discussion sur la traduction, le terme nu. Le nu est, qui se trouve dans le titre du livre, déjà c'est un terme qui nous apporte. Alors, en réalité, il y a à peu près 10 ans, les Chinois ont rejeté la traduction luoti. L'oti, c'est le nu exactement, c'est la traduction fidèle, la plus fidèle. C'est celui qui est nu, quoi. C'est l'oti, un corps humain qui est nu. On dit l'oti. Et on préfère utiliser le mot renti, c'est corps humain, pour désigner le nu. Tout à l'heure, Zhao Min, qui est ma doctorante vraiment, c'est sous ma direction, Zhao Min a déjà expliqué le nu dans la culture chinoise, ça signifie quoi? Ça signifie carrément l'animalité. L'animalité, qu'est-ce que ça veut dire culture pour nous? La culture, c'est quelqu'un qui sait habiller. Tout simplement. Alors, quand quelqu'un qui est dépouillé de ses vêtements, à ce moment-là, ou bien il a une tendance vers l'animalité, c'est-à-dire la sexualité, ou bien, bon, finalement, il est tellement pauvre, sur ça, François Huniet a fait des remarques plus tard. Alors déjà, une discussion, quel terme on va choisir? C'est « genti », corps humain, ou le nu, une traduction qui semble plus fidèle. Ça cause déjà un problème. Et d'ailleurs, quand on dit « genti », si la plupart des artistes chinois qui préfèrent « genti » au lieu de « loti », c'est parce que dans notre histoire, alors vous avez beaucoup de lettrés qui ont critiqué chaque fois quand ils rencontrent une statue nue ou bien une peinture nue, ils le considèrent toujours comme immoralité. Ils ont tellement attaqué parce que pour eux, ce nu qui comporte un sens, un autre sens en Europe, n'existe pas pour eux. Alors ce nu est toujours lié à la sexualité, à l'animalité. Ils ont raison s'ils se sont situés seulement dans la culture chinoise. C'est pour éviter ce genre de conflit, on a choisi « genti », corps humain, pour désigner le nu. Mais ça cause tout de suite un autre problème. Si on choisit « genti », le corps humain, alors comment on va le traduire dans tout le texte? Parce que François Huniet se réfère tous les temps au nu, à la nudité, au dépouillement, ça cause un problème. Quel terme, genti ou loti, je ne sais plus. Et puis, je continue. Entre le nu et la nudité, comme François Huniet est là, présent, alors justement, je vais lui poser cette question. Quand de la nudité, elle a tiré le nu? Mais je ne sais pas, pour moi, en tant que Chinois, linguiste qui a appris un peu le français, qui connaît un peu le français, pour moi, c'est plutôt nudité qui provient du mot nu. Et vous avez dit l'inverse. Peut-être, je me suis trompé, ah ben, je suis Chinois, je me permets de me tromper quand même. Alors, bien sûr, nudité ici, si je le considère comme il provient du nu, à ce moment-là, nudité qui porte toujours un caractère adjectif. En bas, on a traduit ci luo, chinois, on a vraiment raison. Mais plus tard, quand François Huniet a parlé de ce concept nudité, à ce moment-là, il dit que nudité a une sorte de dépouillement, a une sorte, je ne sais pas si je peux le trouver tout de suite, c'est dans le texte. Ouais. Quand de la nudité elle a tiré le nu, et si un terme vient de l'autre, l'un n'en dit pas moins le contraire de l'autre, la nudité dit l'état de manque, le dépouillement, le dénuement. Alors là, vraiment, il y a une action quand on dit dépouillement. Et certainement, vous trouvez tout de suite un terme chinois qui le correspond bien, c'est luo lo. Je ne sais pas, vous connaissez un peu le chinois. Luo lo, ça. Là, vraiment, il contient quelque chose de verbial. L'eau, c'est découvert. Hein. Mais c'est aussi une composition de deux caractères. Alors ici, si d'après l'origine, d'après l'étymologie du mot français, on traduit ce l'eau, c'est tout à fait correct. Mais d'après ce qui se passe comme ces définitions en bas, alors peut-être on pourrait le traduire l'eau. Alors ça rend vraiment l'essentiel, ça donne le sens réel que François Huniet voudrait dire. Alors on peut continuer encore un peu. Là vous avez le dépouillement, le dénuement, et puis là on a traduit comme pinfa. Alors ça je ne suis pas d'accord, pinfa c'est la pauvreté. Hein. C'est la pauvreté, ben, il y a aussi le sens qui manque, mais c'est surtout un état. Et puis en français, on dit « nu comme un verre ». Ok, je reviens à l'assimilation. pour rendre le sens ici, ou bien l'explication de ce dénudé donné par François Julien. Alors, nu comme un verre, quand on traduit « zilo yuqu », là, ça cause vraiment un problème aux Chinois. Au problème chinois, parce que déjà en face du nu, alors le chinois pense toujours à la sexualité. Quand on dit chi luo yu qu, alors ça rappelle tout de suite l'image d'une femme nue étendue au lit. C'est vrai, je vous le jure, parce que vous avez beaucoup de métaphores dans la littérature chinoise qui parlent des femmes nues comme un corps comme un tu, c'est exactement le même mot. Ok. Je ne sais pas, pour moi, peut-être je prends ma liberté. C'est le deuxième concept que je veux souligner. C'est-à-dire, en réalité, il y a toujours un jeu entre fidélité et la liberté dans la traduction. Dans quel cas on se permet une liberté et dans quel cas il faut absolument garder la liberté. Alors là, il y a un niveau supérieur. C'est à ce niveau-là, vous devez juger à choisir soit l'assimilation, soit l'accommodation, soit la fidélité, soit la liberté. Alors si moi, je vais traduire, je me permets plutôt de laisser tomber complètement le nu comme un verre, je dirais avec une autre expression chinoise, qu'est-ce que j'ai dit? C'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, sur le corps, il n'y a même pas un fil de soie. C'est une expression chinoise. Je préfère plutôt ça. Mais là, c'est vraiment une liberté totale dans la traduction. Tout de suite, on nous juge infidèle. Mais dans ce cas, il n'y a pas le mot. Sans un fil de soie sur le corps. C'est une expression chinoise. Je n'ai jamais entendu. C'est très joli. Mais je sais pas. Vous avez raison, merci. Ok. Ouais. Il se pourquoi c'est mieux. Hein. Je continue. Ah non, c'est pas celui-là. J'ai honte, elle fait pitié. Tandis que dans le nu, la nudité s'oublie, son sentiment s'inverse en plénitude. Le nu porte la présence à son comble, il s'offre à contempler. Là, vraiment, il y a un degré de l'investissement de, je sais pas, de... C'est-à-dire, je ne suis pas très heureux avec ce mot, 同情. Pitié, vraiment, c'est, en chinois, vous avez un mot tout de suite, 可怜. Alors, là, 可怜, c'est beaucoup plus fort, hein. Et puis, 可怜, c'est vraiment, on manque quelque chose. Et 同情, peut-être pas. 同情, c'est, on est triste, on souffre, et puis, on pourrait susciter la compassion. Ça, je passe, c'est pas très grave. Et là, on a ajouté quelque chose. Son sentiment s'inverse en plénitude. Et puis, on a ajouté yo pinfa. Déjà, je dis qu'ici, on traduit pinfa. La pauvreté, ça cause déjà un problème. Et puis, on ajoute encore dans la deuxième phrase ce pinfa. Ça, on est allé trop loin. Je continue. Il suffit donc de passer d'un terme à l'autre. On le constate à chaque fois, pour que de la vie, on passe à l'art. Et c'est même la possibilité du nu, ou mieux, l'accès au nu, qui suffit à marquer la frontière entre ces sphères. Je m'arrête là. Je vous montre le chinois. 由此每次可见, 只要从一个词转于另一个, 我们便从生活转向艺术。 Déjà pour cette phrase, je me pose une question. Ici, Il suffira donc de passer d'un terme à l'autre. C'est général, c'est-à-dire chaque fois on passe d'un terme à l'autre, ou bien ce terme ici est lié, bon, ce terme désigne seulement le nu ou la nudité. Mais en chinois, si on traduit comme ça, si on dit 由此每次可见，只要从一个词转移另外一个词，我们便从生活转向艺术。 Alors, c'est n'importe quel terme. Et puis, 而正是裸体的可能性和通向裸体之路，可以标志出，可以标志出这些圈围的界限。 Bon, on discute pas sur le tramway. Alors là, il y a, en réalité, François Julien voudrait dire que c'est cette possibilité, c'est cet accès qui marque la frontière. Bon, je lis, hein, c'est mieux. Je ne dis pas n'importe quoi. Qui suffit à marquer la frontière entre ces sphères. Qui fait des sphères. Alors, en français, c'est très très clair. Hein, mais en chinois, on va voir. C'est pas tellement clair. En chinois, on pourrait très bien dire que s'il n'y a pas la possibilité, cette possibilité, cet accès, alors cette frontière n'existe carrément pas. Et ces zones n'émergent pas même. C'est à cause de cette possibilité, cet accès, que ces zones qui, bon, avec la frontière, ces zones émergent. Mais c'est pas clair. Si rajoute un mot, En chinois, bon, qu'est-ce que. Parce que j'ai pas mis ce que vous avez raison. J'ai corrigé. C'est l'autre que je dis, ton chien, l'autre qui est. 要我翻的话, 就是说, 正是裸体的可能性和通向裸体之路, 成为了. 这些区域的边界，成为了，对，或者标出了他们的边界，标出了我还是不满意，就好像这个边界还是在，然后它只是标出 non, c'est vraiment c'est ça qui crée la frontière, c'est ça que je veux dire, je veux rendre plus fort. 可是成为是一个devenir. Peut-être. Ok, on en parle là, c'est très intéressant. Ça, je passe. Surtout en passant de la nudité au nu, on quitte le point de vue du sujet et dans sa conscience, celui que l'on se voit, et ils virent qu'ils étaient nus. Pour dresser le nu à distance, on objet celui qui saisit, si commentément, l'objectif. Je le change, 特别是由裸露转为裸体时，我们抛却主体的观点及意识。 我们自我观看的观点, c'est pas clair. En réalité, c'est dans ce point de vue, on se regarde. Et puis, 我们自我观看的观点, c'est. Hein? Encore 5 minutes. Bon, je passe. Alors, dans ce cas, je passe ça. Je vais à un truc plus philosophique. Ici, vous avez deux termes pour soi et en soi. En réalité, c'est deux termes qui existent dans la philosophie, que ben, tous ceux qui apprennent un peu la philosophie connaissent pour soi et en soi. Et c'est pour ça que François Julien a dit clairement que cette voie s'effectuerait en sens inverse. Mais ici, je ne sais pas est-ce que Weiji Chenzai, Zaiji Chenzai, c'est le terme philosophique choisi par les philosophes de Taïwan. Je ne sais pas, mais au moins nous, les gens qui connaissent un peu philosophie occidentale, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais comme je connais français, je dis pour soi et en soi, ça je comprends. Et tout de suite, on comprend pourquoi c'est inverse. Et sinon, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quo cheng yi, xiang fan, fang si jin xi. On ne comprend rien du tout. Ça ne veut rien dire ici. Tu n'as pas compris non plus. Assurez-vous. Ou bien, 换言之, 赤裸是我, 裸体是他. Non, là, il y a un problème. C'est-à-dire, en réalité, comme moi, je m'investis comme celui-là, alors, dans l'état de nudité, j'ai honte parce que je crois qu'on me regarde. Alors, je ne suis pas civilisé. Bon. Mais, dans le nu, c'est ta. Linguistiquement parlant, en chinois, quand on parle de ta, il y a, on pense toujours wo, moi et toi. Et ici, ta, c'est mal choisi. Mais en réalité, François Julien a utilisé l'autre. Non, taze, non, taze non plus. Il ne faut pas utiliser taze. On dit tout simplement, c'est bie ren. Ta ren. Ta ren, non. Bie ren, c'est tout. C'est pareil, ta ren, bie ren. C'est pas pareil. Bie ren, c'est n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui ne me regarde pas. Ta ren, non plus. Aussi, ta ren. Comme vous voulez. Ok, je passe. Ta ren, bie ren. Non, mais c'est 赤裸是我,裸体是别人。赤裸是别人看我。或更确切地说，我看见别人在看我。 我看见别人。 我实在是太心乱塞白啊！俺当跟那么工地老大了。 俺当了工地老大，把俺当老大 了。Alors ici. Encore deux minutes. C'est tout intéressant. Bon, tant pis, je m'arrête. Pas tant pis, bon. C'est alors que je me mets à sa place par sympathie et investis ma conscience en lui. Là, c'est parce que je mets moi-même dans sa position. Non, c'est pas position, c'est très politique. Je mets dans sa position, c'est ça. Cœur pour cœur. Bon, lui, ici, il apprend vraiment une liberté. Ça, c'est très chinois, cœur pour cœur. En français, c'est par sympathie. Par sympathie. Oui. Cœur pour cœur, oui. Oui, c'est tout à fait. Je suis d'accord, mais au moins, je ne traduis pas comme ça.Ici, je dis par sympathie, je dis c'est... Tong quoi yi qing. Tong quoi yi qing. Oui, je dis la yi. Yi dong de yi. Yi qing. Yi qing, 感情的情, tong quoi yi qing. Je sais, yi qing. Yi qing, mais il y a un transfert. Bon. Alors, ça je passe à ici, c'est dire on ne sait plus. Rupture ou bien... rupture et quoi?Et fissures, tout ça, on ne sait plus lequel est celui-là. Alors ça cause vraiment un grand problème. Je passe, mais... sur lire, je passe aussi. Je dis justement un mot sur le sac et le trou. C'est pas là. C'est ici, oui. Bon. C'est pourquoi ne fait pas problème à leurs yeux...Que le corps dévêtu soit figuré sommairement comme un sac. Celui-ci est réceptacle, percé de trous, mais comme tel, il est le contenant d'énergie infiniment subtile, dont importe de suivre la diffusion. 这是为什么在中国人眼中，没穿衣服的人体被简略的画成袋子一样的。Non, tu manques quelque chose à voir.画成袋子，因为人体原来就是穿透着许多洞的容器。C'est tout à fait correct, hein? Mais en tant que chinois, en disant c'est pas grave, je suis pas content, je suis pas heureux, je dis que quand même, c'est pas très élogieux pour les chinois. Et dans ce cas, vous avez certainement un terme qui correspond bien à ce sac. En chinois, on dit, c'est-à-dire chez les bouddhistes, on dit 臭皮囊。皮囊 je ne sais pas, vous connaissez ce terme ou non, ce terme désigne exactement le corps humain, mais qui signifie aussi le sac. Et l'origine de l'image vient autrefois de ces nomades, quand ils sortent faire le voyage, ils ont un sac fait de peau de cheval ou bien de bœuf, et avec ce sac, ils prennent de l'eau, ou bien, ils mettent de l'eau ou machin.Et puis en chinois, dans le terme bouddhique, on prend ce terme pour désigner le corps humain, ce pi lang. Alors pour un autre terme pour trou, vous avez qiao. vous connaissez très bien, je ne sais pas. Tiao, c'est-à-dire, on dit qu'autrefois, il y a une tête sur laquelle c'est plat, il n'y a rien du tout. Et puis, pour le rendre intelligent, ben, quelqu'un, un dieu, vient faire des trous sur sa tête. Vous avez une histoire comme ça. Alors, si on traduit, « «没有穿衣服的人体被剪掠成皮囊.» » Alors, quand on va le lire, on dit que ah, François Lunien, il connaît vraiment le chinois et la culture chinoise. Et tout de suite, en tant que chinois, on y trouve un plaisir de lecture. J'en suis sûr. Alors, quand vous dites que taizi est trou, tong, non, ça ne va pas, c'est vulgaire. C'est vrai. Alors, comment choisir à être plus libre? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire la fidélité? Est-ce que parfois on est plus libre et en réalité on est plus fidèle? On rend pleinement le sens que François Hulier voudrait donner? Ça, je me le demande. Il y a beaucoup de réflexions à faire et d'ailleurs pour introduire la pensée François Hulier dans la Chine, on peut réfléchir aussi quel sera le processus à faire? Alors, bien sûr, on va traduire certains bouquins et puis après, on va exposer ces concepts. On y consacre quelques livres ou bien quelques articles de spécial. Et puis, quels seront les concepts qui demandent d'être assimilés plus tôt, avant et puis après, on va chercher aussi à le faire avec argumentation. C'est compliqué parce que déjà pour le concept qu'il préfère déjà aujourd'hui, écart, c'est déjà un gros problème. Déjà en route, j'ai discuté avec M. Bernard, Bernard Gann. Alors la Chine reste encore, la mentalité reste encore très écocentrique parce que c'est l'empire du centre. Alors tout ce qui est écart, ça signifie exactement la différence que François Vinet a définie. Je ne trouve pas vraiment un terme pour dire. Bon, un truc écart comme neutre, alors un écart qui ne se trouve pas par rapport à tel ou tel centre, c'est-à-dire décentralisé, il n'y a pas de centre. Là, je ne vois pas, dans le terme chinois, je peux le trouver. Voilà, merci. Bon, merci infiniment pour cette conversation très animée, vraiment très intéressant, pour les traducteurs, les traductrices. Alors maintenant, on consacre 10 minutes aux questions, à vous, le public, si vous en avez, à deux communications. Bon, alors, puisqu'il faut bien que quelqu'un commence. J'étais